Hulot prit M. Marneffe à part en se sentant menacé dans son plaisir. Et pour la première fois, il quitta le ton hautain qu'il avait gardé jusqu'alors, tant il était épouvanté par la perspective de cet agonisant dans la chambre de cette jolie femme. « Marneffe, mon cher ami, dit-il, il a été question de vous aujourd'hui, mais vous ne serez pas chef de bureau d'emblée, il nous faut du temps. » « Je le serai, monsieur le baron, répliqua nettement Marneffe. « Mais, mon cher, je le serai, monsieur le baron, répéta froidement Marneffe, en regardant alternativement le baron et Valérie. « Vous avez mis ma femme dans la nécessité de se raccommoder avec moi. Je la garde, car, mon cher ami, elle est charmante, ajouta-t-il avec une épouvantable ironie. Je suis le maître ici, plus que vous ne l'êtes au ministère. » Le baron sentit en lui-même une de ces douleurs qui produisent dans le cœur l'effet d'une rage de dents, et il faillit laisser voir des larmes dans ses yeux.